Yeah, 30 fois 1000 aux commandes. Brooklyn Zoo. Là c'est le calme avant la tempête. Dis-lui disque, on m'a dit fais tes choix et vite. J'ai préféré rapper vu le nombre de frérots tombés pour du shit. Au pays du chiffre, les apparences sont plus que trompeuses. Trop peu ressortent entiers sur les sentiers d'illicite. Mais qu'on peut s'unifier pour péter le score. Non, c'est trop le spell. Dans le rap, y'a trop de fonds qui se croient très fort. On fournit l'effort, demande à Echo Trip. Musique véritable avec la blouse qui te ferait rougir un clip. Toujours sur la même route avec des gars que je connais depuis 15 piges. Et quand j'ai plus le moral, toujours les mêmes qui me redonnent l'inspi. J'ai vu l'alcool en faire couler plus d'un. Physiquement ou mentalement, comme le chétan nous se roule du putain. Tout le monde en crise quand y'a plus de pilons dans la zone. J'ai fait mes choix, mais je crois que c'est pas les bons. Des fois je dépends de la drogue, une chose en tête. Sortir ma tête du trou dans lequel elle se trouve. Fermer des bouches en quête d'un futur juste, pas d'un numéro des J'aurais pu être braqueur en série ou pilote dans un go-pass. Mais vu qu'on meurt souvent dans leur série, ben je me limite au rap, ma frère. Trace ta route si tes projets sont droits et carrés. Si t'as besoin de personne et si tu t'es fait seul, ben laisse-les parler. Zoom sur la merde dans laquelle on se trouve. Fais des choix, mais fais les bons frères, car trop perdent leur carénage en route. Pas là pour te donner des conseils, même si ça peut t'éviter de fuir. On se lasse la voix dans les concerts, à défaut d'inciter les plus. J'ai tellement squatté le vent de ma tête, maintenant je veux même plus m'y asseoir. J'ai fait des choix depuis j'opère, à me prendre la tête quand j'écris chaque soir. Des nuits entières à me questionner sans trouver les réponses. Ou à pleurer mes morts, qui j'espère en paix repose. Je suis à l'ancienne comme ce que j'écoute, pas là pour le décor. Avec des MC sur les côtes, Masta, je suis prêt à rendre les coups. Dans le peur à coûte que coûte, avec des couplets parfumés au seum. Donc ramène ton équipe et je vous décris. La seule contre tous, pendant que je rappe. Dehors ça deal, ça braque, c'est chacun son délire. Entre celui qui aura fait le plus gros butin ou le plus gros délit. J'écris des lignes, à défaut de boire des litres. Même si je le fais aussi, les langues se délient. Bien avant que le sky atteigne nos vessies, gros. Trouve un taf ou reste en hesse avant des lamelles. Dépose ton CV, on te rappellera pour purger ta peine. Une chose en tête, sortir ma tech et mes smells du hood. Fermer des bouches en quête d'un futur juste pour oublier mon passé. J'aurais pu être braqueur en série ou pilote dans un go-pass. Vu qu'on meurt souvent dans leur série, ben je me limite au rap, ma frère. Trace ta route. Si tes projets sont droits et carrés, si t'as besoin de personne. Et si tu t'es fait seul, ben laisse-les parler. Zoom sur la merde dans laquelle on se trouve. Fais des choix, mais fais les bons frères, car trop perdent leur carénage en route. Pas là pour te donner des conseils, même si ça peut t'éviter de fuir. On se lasse la voix dans les concerts, à défaut d'inciter les plus. J'ai vite les boulettes sur mon survêt comme la cola d'un faux ref. Parle de taf, tu vas faire peur ou rire les petits qui rêvent d'un roof. On s'est fait bernier par la voix du gain. Au final, on part à poil, man. Guidé par le mal, pourri jusqu'à la moelle. J'avance en solo dans le rap et dans mes soucis aussi. T'imagines pas le nombre de pages, le nombre de couples et non si gros. Là j'ai fait le choix d'envoyer boucher double. Au lieu de me perdre dans une filière où je risque de prendre plus d'années de prison que dessous. La chaleur frappe dans le sud, j'ai vu des gars faire que le nord. Défoncer, finir à l'ouest et tchatcher à une folie à coffre. Tes potes te lâcher sur un plan pour une schneck morte. J'ai le mort grave quand j'écoute leur son de merde ou je vois leur clip placé par le temps qui passe, mon pote. Ouais, la routine c'est pire qu'une drogue, donc on se fait bien baiser à la longue. Une chose en tête, écrire des lettres, ouais, des putains de rimes sans fin. J'ai fait mon choix et je crois que sur le mic du crime, je laisserai mes empreintes. J'aurais pu être braqueur en série ou pilote dans un go-pass. Mais vu qu'on meurt souvent dans leur série, ben je me limite au rap, ma frère. Trace ta route si tes projets sont droits et carrés. Si t'as besoin de personne et si tu t'es fait seul, ben laisse-les parler. Zoom sur la merde dans laquelle on se trouve. Fais des choix, mais fais les bons frères, car trop perdent leur carénage en route. Pas là pour te donner des conseils, même si ça peut t'éviter de fuir. On se lasse la voix dans les concerts, à défaut d'inciter les plus petits. À défaut d'inciter les plus petits.